8 et 11. Leçon 3, page 132. Le temps fragile. Patrick Modiano est probablement de tous les écrivains d'aujourd'hui celui qui a exploré de manière la plus troublante les liens entre le présent et le passé, les passages de l'un à l'autre, les retours incertains, les zones invisibles entre l'un et l'autre. Il arrive aussi qu'un soir, à cause du regard attentif de quelqu'un, on éprouve le besoin de lui transmettre non pas son expérience, mais tout simplement quelques-uns de ces détails disparates reliés par un fil invisible qui menace de se rompre et que l'on appelle le cours de la vie. Voyage de noces. Je crois que l'on entend encore dans les entrées d'immeubles l'écho des pas de ceux qui avaient l'habitude de les traverser et qui depuis ont disparu. Quelque chose continue de vibrer après leur passage, des ondes de plus en plus faibles, mais que l'on capte si l'on est attentif. Rue des boutiques obscures. Je n'avais que 20 ans, mais ma mémoire précédait ma naissance. J'étais sûr, par exemple, d'avoir vécu dans le Paris de l'occupation, puisque je me souvenais de certains personnages de cette époque et de détails infimes et troublants de ceux qu'aucun livre d'histoire ne mentionne. Livret de famille. J'ai l'impression d'être tout seul à faire le lien entre le Paris de ce temps-là et celui d'aujourd'hui, le seul à me souvenir de tous ces détails. Par moments, le lien s'amenuise et risque de se rompre. D'autres soirs, la ville d'hier m'apparaît en reflet furtif derrière celle d'aujourd'hui. Dora Bruder. Peu à peu, cet homme se fondait dans le mur. Ou bien la pluie, à force de tomber sur lui, l'effacer comme l'eau dilue une peinture qui n'a pas eu le temps de se fixer. J'avais beau appuyer mon front contre la vitre et scruter le mur gris sombre, il n'y avait plus trace de lui. Fleur de ruine. La nuit, quand je rentrais seule et que j'arrivais au coin de cette rue Coustou, j'avais brusquement l'impression de quitter le présent et de glisser dans une zone où le temps s'est arrêté. Et je craignais de ne plus franchir la frontière en sens inverse, pour me retrouver place blanche, là où la vie continuait. Je me disais que je resterais toujours prisonnière de cette petite rue et de cette chambre, comme la Belle au bois dormant. La petite bijou. J'ai ouvert le tiroir de la table de nuit, des lunettes de soleil, les miennes. Je les avais oubliées à mon départ d'ici. J'ai essuyé les verres que recouvrait une pellicule de poussière, je les ai mises et j'ai marché vers la glace accrochée au mur. Je voulais me voir avec ces lunettes de soleil, voir ma tête d'il y a 20 ans. Quartier perdu. J'étais heureux. Je n'avais plus de mémoire. Mon amnésie s'épaississait de jour en jour comme une peau qui se durcit. Plus de passé, plus d'avenir. Le temps s'arrêtait et tout finirait par se confondre dans la brume bleue du Léman. Livret de famille.